la biodiversité et récemment j'ai découvert un nouveau mot, la bibliodiversité. Il ne s'agit pas de la quantité astronomique de bouquins qui paraissent chaque année, il s'agit plutôt des différents types de livres qui sont fabriqués. Et là on se rend compte que finalement le choix n'est pas si grand, que beaucoup de livres se ressemblent, que les éditeurs aussi, et ce ne sont pas les arbitrages de l'Académie Goncourt qui viendront me contredire. Alors ce matin, j'ai eu envie d'inviter un éditeur, non pas pour commenter la rentrée littéraire dont on se plaint tous avec plus ou moins de sincérité, mais pour découvrir d'autres livres. J'oserais presque dire des livres différents, des livres avec des images, du texte, on dit bande dessinée. En tout cas, ces livres-là ne vous laissent pas dans le même état une fois que vous les avez refermés, et ils sont agréables à toucher, voire à triturer. Jean-Louis Gautet est donc éditeur, sa maison s'appelle Cornelius, et jusqu'à 10h, j'espère qu'il vous racontera les auteurs qu'il choisit, ses plaisirs de lecteur, et comment ces livres sont fabriqués. Voilà, c'est Jean-Louis Gautet, et c'est l'invité d'Eclectique jusqu'à 10h. Eclectique. Jean-Louis Gautet, bonjour. Bonjour. Alors, des images, il y en a beaucoup, on en est presque saturé, des livres, c'est même plus la peine de le préciser. Et donc, comme vous, vous êtes éditeur, finalement, il y a une question qu'on a fini par perdre de vue, c'est pourquoi vous faites des livres ? Pourquoi un éditeur fait des livres ? Pourquoi vous, vous pourquoi en moi, faites ? J'en fais. Ouais. Je pense qu'il y a des raisons multiples. Dans mon cas, c'est quelque chose qui s'est fait de façon évidente depuis l'enfance. C'est un parcours de lecteur jusqu'à éditeur, et entre les deux, je crois que j'ai fait les choses les plus marquantes du parcours de la chaîne, en fait. Donc j'étais libraire, j'ai bossé en diffusion, ensuite j'étais sérigraphe et éditeur. C'était logique, en fait. Et il y a du plaisir là-dedans. Ah, bien sûr. Mais de toute façon, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous suit depuis l'enfance, c'est nécessairement basé sur le plaisir. Alors avec quoi vous avez commencé ? Comme livre ? Oui. Le premier livre que j'avais publié ? Non, pas le premier livre que vous avez publié, votre premier plaisir de lecteur de bande dessinée. J'imagine que ça doit être Pif. Et puis ensuite, mais mon premier vrai choc, en fait, c'est plutôt Gottlieb. Et pas Gottlieb de la rubrique Abrax, c'était Flux Glacial. C'est en colonie de vacances. Oui, racontez-nous le contexte. C'était les années, la fin des années 70. Donc il y avait encore beaucoup de barbus dans les colonies de vacances. Et ils m'ont initié, ils m'ont perverti même avec Razer et Gottlieb. Et donc ensuite, quand je suis rentré de colonie, on me faisait toujours un cadeau, comme pour me récompenser de rentrer, en fait. Et donc j'ai demandé à avoir un album de Gottlieb, et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et comment, pour quelle raison Gottlieb a été un choc, en fait ? Gottlieb, c'est un passeur. C'est quelqu'un dont on mesure mal aujourd'hui la véritable importance. Bien sûr, il est très connu, c'est une référence pour des tas de gens en matière d'humour et de second degré, mais ça, pour moi, sa plus grande force, c'est que c'est quelqu'un qui a transmis à des générations des références et l'envie d'aller voir ailleurs. Donc, si vous êtes un lecteur de Gottlieb, ou si vous étiez un lecteur de Gottlieb, de l'Écho des Savanes ou de Flux Glacial, il truffait ses bandes dessinées ainsi que les journaux qu'elle y participait, de conseils de lecture ou de conseils musicaux. Et je pense que plein de gens ont découvert, en tout cas moi j'ai découvert Zappa, Pérec, les Monty Python, enfin des tas de choses grâce à Gottlieb. Alors on va entendre sa voix, la voix de Gottlieb. Ah. C'était, bah oui, tout ça pour ça. on va entendre la voix de Gottlieb sur France Culture. Je précise le nom de la chaîne, vous allez comprendre pourquoi. Jack Savary s'est permis de transgresser ce que Walt Disney ne pouvait pas transgresser. Toute cette école que moi j'appelle comme ça arbitrairement le burlesque, l'absurde, toute cette école-là, hein, alors vous prenez Marx Brothers, on est d'autres choses qui font tous partie de cette espèce d'école. C'est une école d'enfants fous furieux qui sèment la merde. Je m'excuse, vous couperez s'il ne faut pas me dire ça sur France Culture. Il n'y a pas d'autre mot. Ils prennent des thèmes exploités par plein d'autres gens, mais ils vont plus loin. Alors ça a quelque chose de très jubilant, quelque chose qui plaît à... Est-ce qu'on peut avoir encore d'enfants, nous ? Parce que les enfants, ils cassent tout. Voilà, les enfants, ils cassent tout. Ouais, c'est ça. L'accent de Gottlieb sur France Culture, donc, qui rend hommage à ceux qui sèment la merde. Mmh. Ouais, mais c'est tout lui. Je le retrouve bien. Oui, parce que vous allez me poser une question forcément là-dessus. Si j'en parle comme ça, c'est parce que quand j'étais gamin, je suis allé jusqu'au bout de cette attirance pour Gottlieb et je suis allé le voir chez lui. Donc, ça je savais pas. Ah, vous saviez pas. Mmh. Bon, voilà, je l'ai rencontré donc quand j'étais gamin et je me suis incrusté comme un morpion quoi, qui s'attaque à un animal et je me suis collé à lui et je suis rentré dans la famille. Mais vous l'avez suivi ou comment ça s'est passé? Ah non, je suis allé chez lui, je l'ai harcelé, c'était du harcèlement en fait. Donc je suis arrivé à obtenir par des moyens, ce serait trop long à raconter, mais c'est des hasards qui peuvent faire croire les esprits faibles à la prédestination, mais en fait il se trouve qu'il habitait pas trop loin de chez moi. Et donc je me suis procuré son adresse et ensuite je l'ai harcelé, tout bêtement. Et ça marche, hein. Je le dis à tous les gens qui veulent rencontrer des gens qu'ils aiment, le harcèlement ça marche. Et là, comme il évoquait une famille d'auteurs, qu'il s'agisse du cinéma ou de la bande dessinée, il parlait des Marx Brothers, ouais. Parlait de Tex Avery, il utilise cette expression de ceux qui sèment la merde. Vous êtes sensible à cela, vous, Jean-Louis Gautet? Je pense en réalité qu'on est tous plus ou moins sensibles, c'est-à-dire qu'on aime bien l'idée, après on n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui fout la merde chez soi, mais on va dire que oui, bien sûr, c'est quelque chose qui motive, c'est quelque chose qui motive l'intelligence, tout simplement, qui fait qu'on reste en éveil. Mais vous avez l'impression d'éditer des livres d'auteurs qui font partie de cette famille-là aussi? Ah là, je me suis jamais posé la question comme ça. Parce que par exemple, vous éditez un dessinateur qui accomplit un dessin tous les jours dans ouais, Libération, c'est le dilemme. Ouais. Non, mais je n'avais jamais réfléchi à ça comme ça, en fait. Mais c'est vrai que ce soit Willem ou que ce soit Crumb ou des auteurs comme Blanquet, même, ce sont des auteurs qui dérangent souvent, effectivement. Mais bon, je me suis jamais posé la question comme ça. J'aimerais bien que vous nous présentiez Robert Crumb, dont vous éditez l'œuvre avec beaucoup de soin. Je vous présente Robert Crumb. Pour ceux qui ont connu les années 70, c'est quelqu'un qui a été découvert en France dans l'actuel et qui a été associé à la vague hippie. Alors qu'en fait, c'est un anti-hippie résolu, profond. C'est quelqu'un, c'est une sorte de misanthrope éclairé, très caustique, qui s'analyse lui-même pour mieux parler de l'Amérique. Et en analysant l'Amérique, évidemment, il parle du monde contemporain. Donc, c'est pas l'icône 60s dont on colporte encore l'image. Hein. C'est le café Fritz the Cat, certes. Mais c'est quelqu'un qui a aussi initié les mouvements d'autobiographie en bande dessinée. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné dans la satire en bande dessinée. C'est quelqu'un qui a ouvert des portes. Et on retrouve, pour moi, Gottlieb, c'est quelqu'un qui a ouvert des portes aussi. Voilà, Crumb, c'est vraiment ça. C'est un type qui a littéralement ouvert l'esprit à des générations de gens. Alors là, vous éditez un dernier ouvrage qui s'intitule donc Snatch Comics, ouais. Hein, signé Robert Crumb. Il y a une jeune fille, sévèrement mamelue, on va dire, sur la couverture du livre. Et alors il y a un petit texte de présentation qui dit ceci. L'occasion pour Robert Crumb, donc, de donner libre cours à toutes ses fantaisies sexuelles dans un joyeux délire et dans une lubricité de bon aloi. Oui. De bon aloi, bien sûr. De bon aloi. Pour l'époque, de bon aloi, nécessairement. On est dans une espèce de... On vit sur un gros coussin, on mange du chamallow, on écoute des choses douces, globalement tièdes. Et donc, évidemment, tout ce qui est un peu pointu, tout ce qui est un petit peu en arête, ça donne du relief. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le relief. Donc, forcément, de bon aloi. Quand on sort un petit peu du cadre, on ouvre des perspectives. En quoi il sort du cadre, Robert Crumb, avec un livre comme Snatch Comics, par exemple? Bon, Snatch Comics, en fait, déjà, c'est un livre qu'on a mis du temps à sortir dans l'anthologie de Crumb qu'on fait. C'est pas une intégrale, c'est une anthologie, en fait. On a mis du temps à le sortir parce que c'est, entre guillemets, mineur dans l'œuvre de Crumb. C'est-à-dire que c'est un gag, à l'origine. Dans les années, donc en Flower Power, en 67, quand il a commencé à exploser, en inventant littéralement la bande ciné underground aux États-Unis, en faisant de la bande dessinée adulte, ni plus ni moins, qui traitait des problèmes de son époque et des problèmes des gens, il a tout de suite été récupéré par le mouvement hippie, comme je vous disais tout à l'heure. Et lui, il s'en foutait royalement. Donc il leur a fait une espèce de pied de nez en sortant des petites BD porno qui sont réunies dans Snatch sous forme de tout petits comics et qui rendait hommage au Tijuana Bibles. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais non, Tijuana Bibles, c'est dans la dépression, pendant la crise des années 30 aux États-Unis. C'était des petites BD porno qui se vendaient sous le manteau et qui utilisaient des personnages célèbres, donc publics ou de bande dessinée, de cinéma, et qui les faisaient copuler ensemble joyeusement. Et donc, bon, voilà, ça valait quelques centimes. Donc, il y avait Popeye, il y avait Greta Garbo et ce genre de choses. Et, dans des petites bandes dessinées, c'est assez rigolo. Popeye et Greta Garbo. Ouais, ça montre. Crème a toujours été très sensible à la culture populaire, aux cultures souterraines. Sachant que la culture populaire est rarement la culture du plus grand nombre. Il faut le dire, ça. Les gens qui se réclament de la culture populaire, souvent disent, ils parlent du grand public. Ce qui est populaire, c'est rarement ce qui est grand public en réalité. C'est souvent des choses qui sont un petit peu à la marge, qui se font par en dessous. Sous le manteau. Sous le manteau, ouais. Ou hors des circuits reconnus. Donc en fait, il rendait hommage à Tijuana Bible avec ce petit comics qui lui a attiré les foudres évidemment de la gente féminine, ce qu'on peut à la fois comprendre et déplorer. Et ça me paraissait assez important de le sortir aujourd'hui, maintenant qu'on a bien montré, qu'on a démontré en tout cas que Crumb n'était pas Monsieur Sixties, et aussi pour casser un petit peu l'image de bon goût qu'on veut trop souvent donner à Cornelius. Cornelius étant le nom de votre maison d'édition. Mais à vouloir faire des choses pointues, dans le sens qui ont du relief, etc., est-ce qu'on n'est pas menacé du coup par la confidentialité? Oui, c'est un risque évidemment, mais... Il faut savoir que ça se choisit pas comme ça. On dit pas, tiens, je vais faire un truc pointu pour emmerder le monde. Ou tiens, je vais faire un truc un peu aiguisé pour tenir les gens à distance. C'est vraiment pas ça du tout. C'est beaucoup plus... Parce que parfois, il y a de la pose dans cette attitude-là. Bien sûr qu'il y a de la pose. Mais en ce qui me concerne, honnêtement, je n'en vois pas. Parce que ça n'a jamais été un moteur pour moi. Et c'est plutôt un constat que je fais en parlant de pointu. C'est-à-dire que moi, je suis à chaque fois persuadé que quand on sort un livre comme Big Man de Mazzucchelli ou les premiers Crumb, les gens vont se précipiter, ils vont pleurer de bonheur, ils vont se le communiquer les uns aux autres. Je prends le métro et je suis ramené à la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'on vend très peu. Et je suis malheureusement contraint de faire le constat que ce type de bande dessinée n'est pas illisible, parce que c'est pas ça qu'il faut mettre derrière pointu. Elle est juste, elle demande juste un peu de curiosité et de se jeter à l'eau. Et elle sort du cadre, comme vous dites. Elle sort du cadre, elle est à la marge, en fait. Hein. Cornelius, c'est pas du tout underground, c'est pas en dessous, c'est à côté. Et c'est pas quelque chose, c'est pas forcément une position que vous choisissez. Après, vous pouvez la revendiquer si vous voulez faire mousser un peu les médias, ça c'est du plan marketing. Mais en ce qui me concerne, je réagis pas comme ça, c'est juste que je le déplore, mais je l'assume. Alors, pleurer de bonheur, je l'annonce, c'est un appel à la population. Pleurer de bonheur avec Snatch Comics de Robert Crumb, pour le plaisir, pour être émoustillé, et puis pour rire aussi, quoi.